Sainte Bible selon saint Jérôme, livre d'Isaïe, chapitre 10. Malheur à ceux qui établissent des lois iniques, et qui, écrivant, ont écrit l'injustice, afin d'opprimer le pauvre dans le jugement, et de faire violence à la cause des faibles de mon peuple, afin que les veuves soient leur proie et qu'ils pillent les orphelins. Que ferez-vous au jour de la visite et de la calamité venant de loin? De qui solliciterez-vous le secours? Et où abandonnerez-vous votre gloire, pour n'être point courbé sous la chaîne et ne point tomber avec les tués? Après toutes ces choses, sa fureur n'a pas été détournée, mais sa main est encore étendue. Malheur à Assour, la verge et le bâton de ma fureur, c'est lui. Dans sa main est mon indignation. Je l'enverrai vers une nation trompeuse, je lui donnerai des ordres contre le peuple de ma fureur, afin qu'il emporte des dépouilles, et qu'il enlève du butin, et qu'il le foule aux pieds comme la boue des places publiques. Mais lui-même ne pensera pas ainsi, et son cœur n'aura pas un pareil sentiment. Mais son cœur sera porté à la destruction et à la ruine totale d'un grand nombre de nations. Car il dira, est-ce que mes princes ne sont pas autant de rois? Est-ce que Calano n'est pas Colchar Camis, et Emat comme Arpfad? Est-ce que Samarie n'est pas comme Damas? De même que ma main a atteint les royaumes des idoles, de même aussi j'atteindrai les simulacres de Jérusalem et de Samarie. Est-ce que, comme j'ai fait à Samarie et à ses idoles, je ne ferai pas à Jérusalem et à ses simulacres? Et il arrivera que lorsque le Seigneur aura accompli toutes ses œuvres sur la montagne de Sion et dans Jérusalem, je visiterai le fruit du cœur arrogant du roi d'Assur et la fierté de ses yeux altiers. Car il a dit, « Par la force de ma main, j'ai fait. Par ma sagesse, j'ai compris. Et j'ai arraché les limites des peuples, et j'ai spolié les princes, et comme puissant, j'ai fait descendre ceux qui étaient assis sur un trône élevé. Et ma main a atteint comme un nid la puissance des nations. Et de même qu'on recueille des œufs qui ont été abandonnés, de même j'ai réuni toute la terre. Et il ne s'est trouvé personne qui remua l'aile et ouvrit la bouche et fit entendre le moindre cri. Est-ce que la hache se glorifiera contre celui qui s'en sert pour fendre? Ou la scie s'élèvera-t-elle contre celui par qui elle est mise en mouvement? C'est comme si la verge s'élevait contre celui qui la lève, et comme si le bâton se glorifiait, lui qui est absolument du bois. À cause de cela, le dominateur, seigneur des armées, enverra la maigreur au milieu de ses gras, et au-dessous de sa gloire s'allumera et s'enflammera comme un brasier ardent. Et la lumière d'Israël sera le feu, et son sein la flamme, et les épines et les ronces d'Assur s'embraseront et seront dévorées dans un seul jour. Et la gloire de sa forêt et de son Carmel, depuis l'âme jusqu'à la chair, sera consumée, et Assur de frayeur s'enfuira. Et les restes des arbres de sa forêt, à cause de leur petit nombre, se compteront aisément, et un enfant pourra les enregistrer. Et il arrivera en ce jour-là que le reste d'Israël et ceux qui auront échappé de la maison de Jacob ne s'appuieront plus sur celui qui les frappe, mais ils s'appuieront avec sincérité sur le Seigneur, le Saint d'Israël. Les restes se convertiront. Les restes de Jacob, dis-je, au Dieu fort. Car lors même que ton peuple, ô Israël, serait comme le sable de la mer, les restes seulement se convertiront. Ces restes, réduits à un petit nombre, abonderont en justice. Car le Seigneur, Dieu des armées, fera une destruction et un retranchement au milieu de toute la terre. À cause de cela, voici ce que dit le Seigneur, Dieu des armées. Mon peuple, habitant de Sion, ne craint pas Assour. Avec la verge il te frappera, et il lèvera son bâton sur toi dans la voie de l'Égypte. Car encore un peu, et un moment, et mon indignation et ma fureur seront à leur comble à cause de leurs crimes. Et le Seigneur des armées lèvera sur lui le fouet, comme il frappa Madian à la pierre d'Horeb, et sa verge sur la mer, et il la lèvera dans la voie de l'Égypte. Et il arrivera en ce jour-là que le fardeau d'Assour sera ôté de ton épaule, et son joug de ton cou. et le joug pourrira à cause de l'huile. Il viendra à Ayat, il passera par Magron, à Makmas, il déposera ses bagages. Ils ont passé en courant Gaba, notre campement. Rama a été frappé de stupeur, Gabbath de Saül a pris la fuite. Fais retentir ta voix, fille de Galim. Sois attentive, Laïssa, et toi aussi, pauvre Anatote. Médéména a émigré. Habitants de Gabim, rassurez-vous. Il est encore jour pour s'arrêter à Nobé. Il agitera sa main contre la montagne de la fille de Sion et la colline de Jérusalem. Voici que le dominateur, seigneur des armées, brisera la petite bouteille par la terreur. Et les plus élevés par la taille seront coupés par le bas, et les grands seront humiliés. Et les parties épaisses de la forêt seront abattues. Et le Liban, avec ses hauts cèdres, tombera. Enregistrement de la Sainte Bible selon la Vulgate, dans la traduction de l'abbé Glaire, pour le site jesusmarie.com, afin d'en assurer une diffusion gratuite. Fichier placé sous licence Creative Commons le 30 novembre 2010. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous.